بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حديث أخذنا كان يتكلم عن ماذا؟ لا أنت صح ما حضرت في البداية. أركان الإسلام. نعم أركان الإسلام. وما الفرق الذي استفدنا منه بالنسبة حديث جبريل الذي ذكر فيه كذلك الإسلام؟ كل الديفيرونس entre les deux hadiths. Saint, que le hadith il a bien démontré que c'était des piliers, alors que dans le hadith de Jibril il ne dit pas que c'est des piliers. Il dit l'islam huwa shahadatu an la ilaha illallah fa qad yadhun dhann an hadha wa l'islam, juste ces cinq choses là. Mais le hadith de Ibn Omar yubayyin an hadhihi al-khamsa hiya arkan, lakin l'islam awsa' min dhalik. طيب احسنت. ندخل اليوم في الحديث الرابع ما يتعلق بالقدر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. donc le hadith c'est selon Ibn Mas'ud. sa cunya c'est Abu Abd al-Rahman et son prénom c'est Abdullah. et في الغالب quand tu vois Abdullah عن عبد الله مباشرة مطلقا في الغالب وهو أما لعبادلة سكسب عبد الله ومن الصحابة كثير جدا. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم nous a rapporté et qu'il est le véridique, celui que l'on croit. car le hadith va citer des choses qui peuvent être dures à croire si ce n'était pas venu de lui. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. que l'un d'entre vous, sa création est rassemblée dans le ventre de sa mère durant 40 jours sous forme d'une goutte de sperme. ثم يكون علاقة مثله أو مثل ذلك. ensuite, il devient en une même période, c'est-à-dire 40 jours également, une adhérence. ثم يكون مضغة مثل ذلك. et après 40 autres jours, يكون, il devient un bout de chair. il devient un bout de chair. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ensuite, on lui envoie l'ange qui souffle en lui le souffle de vie, qui insuffle en lui le souffle de vie et à qui il est ordonné quatre choses. Pas même quatre choses. بكدب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. qu'il est lui ordonné à cet ange d'écrire, c'est-à-dire à ce bout de chair dans lequel il a insufflé le souffle de vie, d'écrire sa subsistance, rizqo, ajlu son temps de vie, amali ses œuvres, et après soit il sera parmi les bienheureux ou dans les damnés. c'est-à-dire imma min ahli al-jannah ou min ahli al-nar. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. il dit par celui dont il n'a d'autre divinité digne d'être adoré en dehors de lui, l'un d'entre vous œuvrera des œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne soit entre lui et elle qu'une coudée, c'est-à-dire une proche. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. et que son livre, c'est-à-dire ce que l'ange a écrit sur lui, le rattrape, ce qui lui était destiné le rattrape, puis se met à œuvrer des œuvres des gens de l'enfer, et il les termine. Il y entre. et que l'un d'entre vous œuvrera des œuvres des gens du feu, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le feu qu'une coudée. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. et que son livre, c'est-à-dire son destin le rattrape, et que là il se met à œuvrer des œuvres des gens du paradis, et il y entre. والحديث رواه البخاري وكذلك مسلم. ومتفقون عليه. C'est un hadith qui est très important. مهم جدا. ولم يفهمه كثير من الناس على فهمه الصحيح. لهذا انحرف كثير من من خاض في هذه المسألة بغير العلم. Ce genre de masail, beaucoup ne les ont pas comprises. Donc ce hadith, اولا يبين لنا كيف يكون مراحل خلق الإنسان في بطن أمه. تمام؟ كما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا. Que Allah vous a créé par étape, par évolution. L'être humain n'est pas arrivé comme ça. ويعلم كذلك أن هذه المعلومات لم يكن في زمانهم لم يكن لهم قدرة أن يعرفوا هكذا. Vous ne pouvez pas savoir ce genre de choses. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a comme maintenant, comme moyen moderne, comme appareil, pour savoir cela. Donc, هذا من دلائل تمام النبوة. Parmi les choses qui montrent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était vraiment un prophète, qui parlait par la révélation. وقد أيد هذا الحديث جاءت آيات القرآن في هذا المعنى. D'autres versets sont venus dans le même sens. كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Nous avons certes créé l'homme hein, d'un extrait d'argile. Puis nous avons créé ou nous avons fait une goutte dans une matrice. C'est le l'utérus de la mer. Ensuite, cette goutte de sperme, nous en avons fait une adhérence. Après, nous avons fait de cette adhérence un bout de chair. Quand même, un bout de chair. Que nous avons ensuite fait ce bout de chair, nous avons attribué des ossements. Puis nous l'avons revêtu. Nous avons revêtu ce ossement de chair. Puis nous avons commencé une nouvelle création. Et cela est confirmé aujourd'hui par les sciences modernes. Donc dans le hadith, il y a quoi l'ujmeru khalqu fi batn ummi 40 yawma nutfa. Première étape, elle dure 40 jours. Tu n'es qu'une goutte de sperme. Car à la base, le fœtus vient de, justement, de l'accouplement entre les spermatozoïdes de l'homme et l'ovule de la femme. Ce sont les causes qui ont été mises, les khalq al-insan fi batn ummi. ثم يكون علاقة. Donc, ce sperme, par la suite, devient un bout de, une adhérence, une chose qui s'accroche. Il y a du sang, comme un caillou de sang. حول هذا. Et ثم يكون مدغة. Ensuite, il devient un bout de chair. 40 jours après. Donc, cela fait combien? 120 jours. 120 jours, ça équivaut à 4 mois. Tamam, 4 mois. Tamam. Ensuite, l'ange vient. Et vous constaterez que même Al-Yom, Fitib Al-Hadith, Lam yagdiru ala ni'alifu hal wa zakar awuntha illa ba'da dil mudda. Hatta huma yastati'un. Ils ne peuvent pas savoir, même avec leur échographie, avant les 4 mois, est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille. Car avant cela, il n'est rien du tout. Il faut faire savoir. وهذا ليس من علم الغيب المطلق. Ces appareils-là, de savoir ce qu'il y a dans le monde de la mer, ce n'est pas une chose qui amène à connaître les choses de l'invisible. C'est juste qu'ils ont des moyens qui leur permettent de voir ce que d'autres ne voient pas, et ça reste limité, car en réalité, ils ne voient qu'une fois que Allah leur a permis de voir. Ah, mais avant cela, ils ne peuvent pas savoir. Avant cela, ils peuvent savoir est-ce que ce sera un garçon ou une fille. Et même, حتى ولو مع الجهاز يخطئون. Dit c'est un garçon et au bout d'un moment, t'as une fille. Il dit, c'est une fille, c'est une homme, t'as un garçon. Et les gens, ils préparent, mashallah, la chambre. Et au final, t'attendais une petite fille, t'as préparé sa chambre en rose, le prénom, tout, hop. Ben non, c'est un garçon. Ou le contraire. Ah, ça, c'est fréquemment arrivé. Wa min as-sunnah anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yakun yusammi al-walad ila ba'd wuladatihi. Que l'enfant était nommé après sa naissance, pas avant. Et même min as-sunnah an tusammi al-walad sab'a ayamin ba'd wuladatihi. Que tu le nommes aussi dans la sunnah 7 jours après sa naissance. Tu fais la aqiqa et tu lui rases la tête ou akada. Donc cela t'évite beaucoup de haraj. ديننا في حكمة عظيمة. فبعد ذلك يأتي الملك كما ذكرنا في حديث جبريل من الملائكة من هو موكل بعمل في خدمة بني آدم هذا الملك مثلا. Même l'ange qui vient, qui insuffle le souffle de vie, il est parmi les anges qui ont une mission à accomplir par rapport aux êtres humains. فقال الشيخ نسبة لهذا الملك والروح الذي ينفخ في هذا الجنين يقول الروح التي يتحرك بها وروح الحياة c'est l'âme, le souffle de vie par lequel on est animé, par lequel on bouge. وقد عجز البشر أن يعلموا حقيقة هذه الروح فيسير من أسرار الله عز وجل. Donc jusqu'à présent les hommes ont été incapables de pouvoir réaliser la réalité de cette âme. Quelle est-elle, comment est-elle? Car l'âme est une chose qui n'est pas visible, qui n'est pas concrète, tu ne peux pas la toucher. Et pourtant, c'est, comme il dit le shir, c'est le secret, parmi le secret d'Allah Azzawajal, et sans ce souffle de vie, il n'y a rien qui n'existe parmi les êtres vivants. Et mahma fa'al insan, il al en lam yablour ila mustawu an yati bihala. Il a inventé des machines, des avions, des satellites, des sous-marins, les ordinateurs, toutes choses. هذا الشيء ما استطاع إلى الآن هو لن يستطيع. Il n'a pas pu et il ne saura pouvoir le faire. وهذا c'est vrai une chose qui devrait faire réfléchir les gens qui ne croient pas en créateur. Vous avez une limite qu'on peut dépasser. Quoi que vous fassiez, vous ne faites que rassembler. لهذا في الآية كما قال في ذكرنا في الآية السابقة dans la création des scènes فقال فتبارك الله أحسن الخالقين. Il a dit, Tabarakallah, bon, les gens traduisent par béni, je n'aime pas trop ça, parce que bénédiction, ce n'est pas le sens de Al-Baraka, fil al-Haqiqa, est le meilleur des créateurs. Fabiad il-Ayan, alam anna Allah azawajal, afbata anna hunak, khalikon ghayra. Qu'il y a des gens, d'autres créateurs que lui. Il a dit, Asana khalikin, c'est-à-dire que lui, il est le meilleur des créateurs. Et, al-Khalq al-Lazi wa khas billah azawajal, ou al-Khalq al-Mutlaq. Al-Lazi wa al-Ijad min Adam, que Allah te fait une chose à partir de rien. Innama kuluna li shay'in idha aradnahu an yakun lahu kun fayakun. Que si nous voulons une chose, nous avons juste dit soit et elle est. Wa al-bashar est appelé créateur de façon relative, lianna 'amalahu 'ibaran tahwil wa tarkib. Yuhawwil min madad kadha ila madad kadha. وَيَخُذْ كَذَا يُرَكِبْ بِكَذَا فَقَتْ. Il va prendre des choses qui sont déjà présentes et il les arrange. Il les, comme on dirait, il les façonne. Par exemple, un clou. مِسْمَار وَاحِد الَّذِي بِهِ مُثَبِّتَ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْجِدْرَانِ. Un clou. Ce clou-là, pour le faire, il a besoin de plusieurs matériaux. D'acier et puis d'autres choses pour faire fondre ce métal ou akada akada. Est-ce qu'il a dit clou soit et le clou l'a été? Il n'a pas pu. Ce petit clou que tu vois, tu lui dis, tu le mets dans une pièce sans rien, tu dis fais-moi un clou, il ne pourra pas te faire le clou. Fais-moi une aiguille, il ne pourra pas te faire une aiguille. Fais-moi une punaise, il ne pourra pas te faire une punaise. Il a besoin d'outils, il a besoin de matériaux, de matières premières. Donc pour ça, lui, sa création, elle est limitée. Lui ne fait que assembler et façonner et transformer. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a mis tout le reste. Il lui a donné la coudra de pouvoir après fabriquer. Donc Allah, c'est lui qui est la cause de l'existence de ces choses-là. et qu'il a mis en l'homme la capacité, le savoir de faire ces choses-là par la suite. Donc c'est Allah qui a tout créé, au final. Mais eux ne veulent pas l'admettre. Ils ne veulent pas l'admettre. Allez, une parenthèse. Donc ce ruh, souffle de vie, quand même, comme a dit le cheikh, ou sirrun min asrarillah, un secret, comme le secret d'Allah Azza wa Jal, comme a dit le ta'ala, il cite le verset, ou yas'alunaka ani ruh, kulli ruh min amri rabbi, wa ma utitum min al-ilm illa qalila. Il a dit, il t'interroge à propos du souffle de vie, dit que cela fait partie du décret de mon Seigneur, quand même, et vous n'avez reçu que peu de science. C'est-à-dire, tout ce que l'homme, il croit qu'il a fait, l'impressionner, c'est très peu ce que tu as avec toi. Wa l'alimu Allah Azza wa Jal. Comme a dit Ta'ala, ya'alimun zahiran anil hayati dunya, wa hum, ou ya'alimun zahiran anil hayati dunya, wa hum anil akhirati hum wafilun. Fi adem ma'ana l'aya. Qui connaissent une surface de la vie de ce bas monde, mais quant à l'au-delà, ils sont attentifs. Il a bien dit, zahiran, il n'a pas dit al-hayat ad-dunya, une partie, une surface que vous connaissez, c'est tout. Donc, ma maloka bil baqi, que dire du reste? Qui ne connaissent pas? Donc, une fois que ce ruh est arrivé, au bout de 4 mois, on a un fœtus. Et de là, même les ulama disent que, à partir du moment où il y a un secte, c'est-à-dire il y a une fausse couche ou quoi, l'enfant fait sale sur lui. Car maintenant, c'est un être humain. Il est vivant. Comme la hada, là. أما بعد هذا فنعم تمام une femme a fait une fausse couche après les 4 mois l'enfant il salli alayhi ou bel يجوز الصلاة عليه ما يجب تمام يجوز الصلاة عليه أما قبل هذا فلا قبل هذا مو إنسان هو مدغة وقبل هذا علقة وقبل هذا نطفة donc même par rapport à ça il y a des أحكام فقهية qui en résultent. Donc ensuite, هذا الجنين يتطور في بطن الأم حتى يكون يعني على شكل مولود إنسان ثم يخرج. في الغالب, c'est une période de 9 mois. Après, ça peut être plus et ça peut être moins. Moins ce qu'on appelle prématuré et plus, il a déjà été vu comme Masmo Mohamed ibn Nashtismahu, un des rapporteurs. Il est resté 3 ans. Dans le ventre de sa mère. Nasit ismahu. Mohamed ibn. Ah, Nasit. Cher Zakarahu comme l'Ayyam. 3 ans. Sorti au bout de 3 ans du ventre de sa mère. Avec des cheveux, avec des dents, tout. Ah. Ça arrive. Ah. C'est rare, mais ça arrive. Mais là-bas, c'est Tissa Ashon. Donc ce ruh, comme Zakarah et Cher Kazalik, والذي إذا أخرجه الله من جسد الإنسان يموت. Son ruh, quand il est retiré du corps, l'homme il meurt. Son corps, ça devient un cadavre. Il y a toutes ces particularités qu'il a, mais il bouge plus. Il n'y a plus de ruh. Juste le ruh, c'est ça. Des choses de l'homme, tu peux lui retirer, il ne mourra pas forcément. Le ruh, tu l'enlèves, c'est fini. وهذا الروح يخرج في مدتين. يقول إمن تخرج بالنوم وهذه وفاة الصغرى. Ce ruh, on te l'enlève lorsque tu dors. Et là, c'est la petite mort. Elle وفاة الصغرى. وإما أن تخرج بالموت وهذه وفاة الكبرى. هذه الساعة الصغرى. ساعة الصغرى, c'est ta mort à toi. Est venue ton heure à toi. والكبرى, c'est la fin des temps. Enfin, ton âme t'est retirée à deux occasions. Lors de ton sommeil et lors de ta mort. أنت الصمي لن تمر أما قال الشيء يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه c'est celui qui vous fait on va dire on dirait mourir mais qui prend votre âme la nuit et qui sait ce que vous avez fait dans la journée وكذلك يقول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى dans le sens où il dit que Allah est celui qui fait mourir les âmes lors de leur mort et celle qui ne meurt pas dans son sommeil il retient l'âme celui qui doit mourir, c'est-à-dire son âme, elle ne revient pas. Nos âmes, elles montent. Et après, il y a celles qui redescendent dans le corps, au réveil. Et certaines, elles restent auprès d'Allah quand tu meurs en ton sommeil. Donc, celui qui dort est considéré comme étant Rémo Kallas. Car il est inanimé, il n'a pas de vie, il n'a pas de raison, il n'a rien à ce moment-là. Donc à ce moment-là, quoi qu'il fasse, c'est pas compté. Par exemple, c'est la salat, il dort. Mais j'y vais aller à ce moment-là. ثم نرجع إلى هذا الملك يقول ويؤمر بأربع كلمات. Donc cet ange lui ordonnait de écrire quatre choses. وهذه الكلمة ce que l'ange écrit, a dit كتابات خاصة وإلا فقد كتبت في روح المحفوظ. Ce que lui vient écrire l'ange là à ce moment-là, c'est une écriture qui est spécifique à l'individu à ce moment-là. Mais ce que cet ange écrit a déjà été écrit auparavant في روح المحفوظ. Auprès d'Allah Azza wa Jalla. Allah il sait déjà. D'accord ? Allah il sait déjà. Enfin, qu'est-ce qu'il écrit ? Risco. Du jour où l'âme t'a été donnée, jusqu'au jour où tu vas mourir, tout ce qui va te revenir comme risque. Subsistance. Ou risque à l'âme. Quand il y a comme une ta'am, sharab, malbes, tamam, markab, ou ilm, tamam, ou akaza. Tout cela. Tout ce que là t'es accordé dans ta subsistance, dans ta vie de tous les jours. Ou à des risques, quand il y a un halal ou quand il y a un haram. Il y a seulement un risque, kadhalik. Même si c'est une chose, quelqu'un qui a volé, ce qu'il a volé, c'est du risque. Seulement, c'est un risque qui est haram. Donc, le qiyama, s'interroger ça. Car si quelqu'un te dit, ça c'est pas du risque, quelqu'un il a volé quelque chose, par exemple, une voiture, et il se sauve avec. Après, il la revend, et il fait de l'argent avec. Les gens disent, ça c'est pas du risque, ça c'est haram. Ben, si c'est pas du risque, tu es en train de affirmer qu'il y a autre que Allah qui donne. Hada shirk. À ce moment-là, il va réaliser ce qu'il a dit. On va dire, c'est du risque, seulement c'est du risque qui est haram. C'est tout. Comme on l'a dit la dernière fois, la personne, elle a pris un sebeb qui existe, qui amène un résultat, sauf que c'est un sebeb qui est haram. Comme celui qui fait zina, qui a un enfant, il a fait un sebeb pour avoir un enfant. Mais le sebeb qu'il a fait, il est haram. Il l'a fait ça dans le haram. Et on va dire, c'est l'enfant, il n'est pas venu, il est venu l'enfant. La femme, elle a accouché, et l'enfant, il est venu. Mais ce qu'il a fait, c'est haram. Donc, nous, ce qu'il nous demandait à nous, c'est de prendre les asbab shal'iyya. C'est-à-dire qu'ils sont halal. Donc, ce risque est écrit à l'individu. Thumma qala kathalik ajulihi. Son temps de vie. Combien de temps il va vivre? Minna man yamut qabla al-wilada. منا من يموت مباشرة بعد الولادة منا ما يموت عند الصغار منا ما يموت فوق ذلك تمام on est amené à mourir, il y a pas d'âge décrété pour mourir. Ce qui كذلك يرد على هذه العبارة التي تقول بعض الناس يقول il est parti trop tôt. Quand il est mort jeune, ils disent il est parti trop tôt. On dit il avait un rendez-vous, il est parti trop tôt. Comment tu sais? Son temps de vie a été écrit et décrété. Et il n'y a personne qui peut dire le temps de vie de l'homme, c'est temps. Ou temps ou décrété. Là. Yaqul Nabi Sallam, anna ajl ummati min 60 à 70. De façon générale. Après, des gens vivent plus longtemps que ça. Et des gens vivent longtemps que ça. Il n'y a pas une chose qui est décrétée. Par exemple, on peut dire la grossesse, c'est un temps qui est une moyenne, qui est une norme, qui est 9 mois. Mais la vie d'un homme, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Donc on ne peut pas dire qu'il est parti trop tôt ou trop tard. On dit il est parti quand son ajal est arrivé. Wa kada. Wa qila anna khayr an-nas kama dhukira su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man khayr an-nas qala man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Wa sharr an-nas man tala 'umruhu wa asa 'amaluhu. Que le meilleur des gens c'est celui dont la vie est longue mais dont les œuvres sont bonnes. J'ai vu longtemps, mais en faisant des bonnes œuvres. Et celui qui est le pire des gens, celui qui vit longtemps également, d'accord, mais qui agit dans le mal. Allez, comme ça. Mais qui agit dans le mal. C'est pour ça, des fois, on fait un dua pour des gens, on dit, sallallahu alayhi wa sallam, un outil à Umrah. Cette dua que Allah allonge la vie de un tel ou un tel, on dit, tqayyid, un outil à Umrah, à l'al-amal al-salih. C'est important. Que Allah rallonge sa vie, mais tu dis sur les bonnes œuvres. Car, on peut t'allonger la vie, tu vas faire des grandes, jara'im toute ta vie, tu vas faire du mal aux gens, donc il vaut mieux que tu meurs, toi. Ça sera. Souvent les gens disent Atallallahu umra, hakada, adoua. On dit, conditionne que Allah lui donne une longue vie sur des bonnes œuvres. Sinon, c'est, ça peut être contre lui, pour la personne. Et pour nous, contre nous aussi également, car elle peut nous faire du mal, cette personne-là. Ba'adhalika qalahu amali. Que toutes ces œuvres, elles sont écrites. Ce qu'il va faire, comme bien, comme mal. Tamam. Et tout cela revient à ce qu'on avait dit dans Hadith Jibril, l'iman du Qadar. On doit y croire. Ala rukn min arkan al-iman. An tu'mina bil Qadar, khayrihi wa sharrihi. D'ailleurs, le Hadith de Jibril, sa cause, ce fut que deux tabi'in, j'ai oublié leur nom, je crois que c'est Yahya ibn Ya'mar, et l'autre, j'ai oublié son prénom, qui sont rendus auprès de Abdullah ibn Omar, pour le Hajj. Pour l'interroger à propos d'un homme, de gens chez eux qui rejetaient le Qadar. Yaqulun al-umur unuf, c'est-à-dire les choses se passent d'elles-mêmes. Et c'est des gens qui lisaient le Coran. Ce n'est pas des Jouhels qui viennent de nulle part. Et ils ont interrogé Ibn Omar. Ibn Omar, il a dit Fa'arbirhum annani bari'u minhum wa bara'u minni. Dis-leur que je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi. C'est-à-dire, en fait, ça takfir, les akafar. Quand même. Puis, il cita le hadith de Omar. Pour dire, ce que je dis là, j'ai un dalil. C'est le hadith de Omar dans lequel il dit Mal iman, thumma zakara al-arkan as-sitt wa minha. Pour Rad aux gens qui ont renié le Qadar, le destin. Et dans celui qui lit le hadith depuis le début dans Muslim, il trouve cette fakra, ce paragraphe. Faqala wa shaqiyun aw sa'id. Est-ce qu'il sera damné, c'est-à-dire des gens du feu, ou sa'id, c'est-à-dire parmi les gens qui rentreront au paradis? Ou ça peut être valable pour cette vie de ce bas monde. Est-ce qu'il sera parmi les gens qui seront, qui auront une bonne vie, c'est-à-dire fait l'iman à la din, ou quelqu'un qui sera un kufr? Parce que être sa'id, c'est pas la belle vie, c'est pas ce que les gens s'imaginent d'avoir tout ce qu'on veut. La belle vie, c'est dans l'islam. Celui qui n'est pas en islam, tu peux lui donner ce que tu veux, il n'a pas de bonne vie. Et celui qui est sur l'islam, à la tawhid et la sunnah, tu peux lui retirer ce que tu veux, il aura une bonne vie. Après, il y a les épreuves. Il y a chaque. Il y a les épreuves, on est éprouvé. On est éprouvé pour savoir ayyukum ahsanu amala. Allah nous a éprouvé pour savoir qui d'entre vous, d'entre nous, œuvrera le mieux. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ajaban amr al-mu'min, fa inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil-mu'min, fa inna asabahu sarra shakara fa kana khayran lah, wa inna asabahu darra sabra fa kana khayran lah. Il a dit que l'affaire des muslims, elle est surprenante. Et cela n'est valable que pour le mu'min, il a bien dit. Que pour le mu'min. Si un bien le touche et qu'il remercie, c'est la meilleure pour lui. Et si un mal le touche et qu'il patiente, c'est la meilleure pour lui. Tu vois? C'est-à-dire, le musulman, il a une bonne vie, quoi qu'il en soit. Cependant, après, comme on l'a expliqué, hein, l'épreuve, elle arrive. Mais plus l'épreuve, elle est grande, et c'est un signe pour toi que peut-être qu'Allah plus t'aime. Comme a déjà fait hadith, il dit, Ahaballahu kawman abtalahum. Lorsque Allah, il aime un peuple, il les éprouve. Et kazalik, cette épreuve peut être une cause de tapir de zunoub. Pour que tes péchés soient enlevés par la suite. Ou pour tes vents de gré. D'accord? Car les Ashadanas Bala, Al-Anbiya, ce qu'on les plus grandes épreuves sont Al-Anbiya. Plus tu es accroché à ta religion, et plus les épreuves sont grandes. Mais pourquoi? Car Allah sait que tu as la force de pouvoir affronter cela. Même, il sait que tu as la force de pouvoir affronter cela. Quand on voit les épreuves qu'ont subies les Anbiya, à part avant nous, les Sahaba, comment ils ont vécu, après les Salafs des Imams, ce qu'ils ont vécu, et on voit notre vie à nous, bah, nous, c'est vraiment du. C'est vraiment léger pour nous ce qu'on vit. Et pourtant, des fois, on a un petit truc, c'est comme si nous est arrivé la pire des choses, donc les pires des victimes. On dit, regarde les salafs, et tu sauras que ce qui t'arrive là, ce n'est rien du tout. Pour dire que notre dîn à nous aujourd'hui, il est faible, mais il est en mesure de notre époque. L'ayat izaman ilay wa la zibardou, charo mino. C'est par rapport à notre époque. Fumaqal, après, il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cita que Inna ahadakum la ya'malu bi amal al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha ila zira. Comme on l'a dit au début, que l'un d'entre vous va œuvrer des œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne soit qu'à un coup d'aile au dieu de lui, parce que le paradis en arabe c'est féminin. Puis, son destin, ce que l'ange a écrit, va le rattraper. Et il va se mettre à faire quoi? Les œuvres des gens du feu. Et il va y rentrer. Et le contraire. Ceux qui يعملون بعمل أهل النار ثم يسبق عليهم الكتاب فيعملون بعمل أهل الجنة فيدخلونها. Et ça, c'est une chose qu'on a constatée. Des gens, tu les vois, à la khayr, à la huda. Et après, inqilab. Yanharif, bel yartad, an dini la azawajal, ou yamut, huwa adoun lillah. Bad makana, à la zahir, mimman yuttasaf bi, al wilaya, non min awliya illah, comme la hada. Ou le contraire, man kana yuttasaf bi, non min a'da illah, thuma sara min awliya illah azawajal. Des gens, on les a vus sur l'islam. Des gens qui étaient savants, des ulama, j'ai oublié celui-là dont il cite souvent l'exemple, qui était un saoudien très intelligent. Il écrivait des kutub. Abdullah, j'ai oublié son nom. Les ulama parlent souvent de lui dans ce bab-là. Il écrivait des kutub. Qawi yajiddan. Tu vois. Les ulama disent lui, le zaki jiddan, très intelligent. C'est un saoudien. C'est ce que je me rappelle. À l'époque de Cheikh Ben Baz et Haoula. Et il était mordib bin nafsi. Ça veut dire qu'il était imbu de sa personne. Vous voyez qu'il était fort, qu'il était intelligent. Hatta hasal al-hal annahu dhahaba ila Lubnan. Parti au Liban. Et là-bas, il a vu les femmes. Des femmes qui ont été la cause apparente de sa dérive. Kayfa anna Allah yudkhilha ula al-nisa al-jamilat fi an-nar wa yadkhul yudkhilha ha'ula al-ajaiz fi al-jannah. Il dit comment Allah va rentrer ces belles femmes-là au feu? Il va rentrer ces vieilles là au paradis en montrant les femmes moustaqima qu'il y avait en Saoudi, tout ça. Et là, il a commencé à dévier. Et les gens ont dit, c'est là qu'il a commencé à dévier. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas que ces gens-là soient mis au feu et que ceux-là soient mis au paradis. Les gens qui cherchent la cause du pourquoi. Pourquoi Allah kaza. On dit, il n'y a pas de pourquoi Allah kaza. Comme Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Quand quelqu'un veut te demander pourquoi, parmi les musulmans, donne-nous ce verset-là. Normalement, ça s'arrête là, la discussion. Tu dis, on n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. On ne demande pas à Allah pourquoi. Il n'y a pas pourquoi. Il t'a créé, il n'y a pas pourquoi. Tu es là, il t'a dit ce que tu as à faire, fais-le. Ah ben pourquoi, il n'y a pas pourquoi. Pourquoi un tel il est pauvre? Pourquoi un tel il est riche? Pourquoi un tel il est parti trop tôt, comme ils disent? Pourquoi un tel il fait du mal, il est toujours là? Et il est riche, il a kaza et kaza et kaza. Pourquoi? Tu vois? Hada min hikmatillah azza wa jal. On a dit au début, Hada ruh allazi fi anfusina, ma na'alifu, wa fina, wa tasal'anna wa ba'id anki. Hada shima yu'akal. Ce qui est en toi, tu n'arrives pas à le comprendre. Ce dont tu as besoin pour vivre, tu n'arrives pas à le comprendre. Et tu vas lui demander ce qui se passe à l'autre bout du monde, dans les pays pauvres, du tiers-monde, ou là-bas, ou là-bas, ou là-bas. Ala min Allah azza wa jalla. Et il sait pourquoi il a fait cela, pourquoi il a donné un tel et pas un tel, et pourquoi un tel kaza ou un tel pas kaza. Et ça, que tu saches ou que tu saches pas, ça va rien t'apporter à toi. Si on te dit, tel enfant, il est mort, petit, de faim. Ça fait mal au cœur. En détaillé. Si on te donne la cause de sa mort, tu vas adorer Allah plus? Tu vas faire plus d'ibadat? Tu veux pas? Tu vas rien faire de plus. C'est juste du foudoul, on appelle ça du foudoul. La curiosité. Je veux savoir. Après, ça va te faire quoi? Ce que tu as à savoir, mon Dieu. Ala kitabuna yakfina ladhi huwa fihi wa fi sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. On a ce qui nous suffit pour savoir ce qu'on a à faire. Comme quelqu'un qui conduit, il ne regarde pas devant lui. Il est en train de conduire, et à ce coup, il y a un truc à côté de lui qui regarde. Qu'est-ce qui se passe? Fil ghalib. Il se pense qu'il y a devant lui. On dit, regarde devant toi. Ce qui est à côté, ce n'est pas pour toi. Ce qu'il y a derrière, c'est pas pour toi. Sauf si ça peut t'atteindre. Mais tu regardes trop longtemps à côté de toi. Tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé et en même temps tu roules, tu vas finir comme ceux que tu regardes. Et après, la troisième va te regarder et lui va finir comme toi et carambolage, comme on dit. Ah là, le foudoul. Regarde, ou alors, mais pour dire que les gens veulent trop en savoir parce qu'il ne revient pas. Donc là, par rapport au qadar, des gens pourraient dire, et des gens le disent, yaqul, fa ash al fa'idan na'mal izekana, kot kutibali, annani min al jana ou min al nar. Pourquoi je œuvre alors que Allah a déjà décidé que je vais être mécréant en enfer ou que je serai un croyant au paradis? C'est rien que j'œuvre. Déjà, dans le hadith Ali, il y a un nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait janazat il ma'ahoum, fa'akhaza oud, ja'ala ya'mal ashia ala l'ard. Il faisait, avec son bâton, il tournait sur le sol. Thumma qala, ma minkum ahadin illa kot kutiba lahu, maq'aduhu fil jannah, ou maq'aduhu fil nar. Il a dit qu'il n'y a aucun d'entre vous sans que son siège au paradis soit déjà écrit. Les sahaba, ils ont dit, Donc ne va-t-on pas laisser nos œuvres? Bah, c'est rien qu'on œuvre, on se base sur ce qui a été écrit pour nous comme destin. Il a dit là, œuvrez, car chacun sera facilité, c'est pourquoi il a été créé. Donc quand tu entends ça, est-ce que tu dis, bon, je fais rien, je me pose? Au contraire, tu dis, si je suis facilité pour le bien, alors je vais œuvrer. Et plus j'œuvrerai dans le bien, plus j'aurai du bien. Hada ou el ma'koul? Tu vois, quelqu'un il te dit, tu as deux routes là. Celle-ci elle t'emmène vers un mal, celle-ci vers un bien. Et il te dit, je sais déjà que tu vas prendre un... Moi je sais où tu vas aller. Toi tu le sais pas, toi. Tu vois? Tu veux le bien ou tu veux le mal? Dis, je veux le bien. Il dit, fais les causes là pour prendre le bien. Et fais pas ce que moi je sais, ce que je sais pas. Fais ce que tu as à faire. Kazalik, ces gens-là qui te disent cela, pourquoi j'œuvre? Et je parle là des croyants. D'accord, des mu'minines, je parle. Le koufar, ça, c'est encore une autre chose. Ils te disent, ça à quoi que j'œuvre? Parce que là, ils ont cette chouette là, tu vois. Pourquoi je vais œuvrer alors que ça se trouve, je suis destiné au feu? Pourquoi je me fatigue? Tu vois. On dit déjà, fil hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'entamouta nafsun illa tastawfiya rizqaha. Qu'aucune âme ne va mourir avant qu'elle n'ait pris tout ce qui lui était écrit comme risque. Et dans le hadith, ça a été dit que non, j'ai écrit ton risque. Je lui dis ça comme hadith. Il dit, tu connais? Oui, je connais le hadith. Il dit, pourquoi tu travailles alors? Pourquoi tu vas au travail tous les matins? Ou pourquoi tu fais telle chose pour avoir de l'argent? Ton risque, il t'écrit avant que tu meurs. Tu ne quitteras pas ce monde avant d'avoir tout pris. Arrête de travailler, reste chez toi, assieds-toi, et attends que ça vienne. On va dire, ben non. Et ben, dis-moi, Jannah, c'est pareil. Meb aoulé. T'as des causes, Allah t'a dit les causes pour entrer au Jannah, et les causes pour entrer au feu. Lesquelles tu vas prendre? Il va dire, c'est Jannah, khalas, fais-le. Ton risque, tout comme il t'est écrit déjà avant que tu meurs, tu fais les causes pour l'avoir. Voire pire, tu tombes dans le haram pour l'avoir. Alors qu'on t'a dit, c'est déjà écrit, t'auras rien de plus. T'auras rien de plus. Que tu sois un miskin ouvrier dans une entreprise avec une petite paye, ou que tu sois un grand mafieux qui prend je sais pas combien, t'auras rien de plus qui t'a écrit. Mais si toi tu sais, tu connais le wahi, ada halal ada haram, comme a dit le Nabi sallam, inna al halal bayyin wa al haram bayyin, le halal il est clair, le haram il est clair, tu vas prendre lequel? Si jamais, on parle d'un mu'min là, lequel tu vas prendre? Tu vas prendre le halal. Et si Allah veut, on l'a dit l'autre jour, il veut que tu sois millionnaire, tu vas l'être avec ton travail d'ouvrier. Et tu peux être le plus grand des mafieux si Allah demain tu sois, comme on dit, un sans-abri dans la rue sous un carton, tu vas l'être aussi. Le pire, c'est que tu auras en plus ces péchés sur toi. Misère, fil dunya, wa aza fil akhirah. Ou alors, rina fil dunya ma'al sidraj, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est-à-dire Allah te donne pour t'égarer encore plus, ou fil akhir, azab. Ou adal mal, tu azab bihi ziyada. Cet argent que tu as en plus, tu vas faire du mal avec cet argent-là, bien évidemment. Mais ziyada, azab alik. Puisque le sans-abri là qui n'a rien, lui, il aura rien à rendre compte par rapport à l'argent, il n'a pas d'argent. Mais toi, tu seras millionnaire, l'argent tu rentres des comptes, et en plus, comment tu sais cet argent-là, tu rentres des comptes. Et qu'est-ce que tu en as, tu rentres des comptes également. Kullu hada. Et par rapport au kuffar, l'oukalak rajul kafir, ou même hatta muslim yakullak, yartazir bil qadar. Il tombe dans des choses et il se justifie avec le destin. Il dit, c'est Allah qui a voulu que je fasse ça. Tu vois? Il dit, pourquoi vous me blâmez? C'était écrit que je devais faire ça. La salan. Il a cassé quelque chose. Allah alam, il a fait un mal. Amdan. En tout, purement, délibérément. Après, il dit, c'est le qadar. Qadar ma shafa'al. C'est Allah, il a voulu que je fasse ça. Il n'y a pas à me blâmer. Déjà, en disant ça, t'es en train de dire que tout ce que Allah a mis comme hudud et comme règle, ça sert à rien. Donc déjà, t'es en train de dire qu'Allah, ce qu'il a fait, c'est inutile. Première chose. Allah kufr. C'est-à-dire, alors pourquoi on, مثلاً, نقيم الحد على المرتد, أو على قتل النفس بغير الحق, أو لماذا نجلد الزاني أو نرجمه? Pourquoi on fait tout ça? Si Allah l'a condamné pour faire zina, ça sert à quoi de mettre un had et de l'appliquer? Ça sert à rien. Donc, tu veux lui donner une réponse, yani, aqliya, rationnelle, par exemple, un exemple, ne le fais pas, c'est l'exemple que je donne. Il dit ça, tu lui mets un gros coup. Il dit quoi, tu m'as frappé? Il dit, Allah, là, vous, je te frappe. Ne me blâme pas, c'est écrit dans le codage, je vais te frapper. Il faut que tu acceptes. Comme toi, tu veux qu'on accepte ce que tu as fait comme mal, car là, il est écrit, eh ben, moi, je t'ai frappé, et je te dis, je te réponds comme tu m'as répondu, toi. Il n'a pas accepté. Ou tu prends sa voiture, ou tu le prends bien à lui. Du coup, tu prends une voiture, pourquoi tu la brûles? C'est Allah qui a voulu que je la brûle, ta voiture, c'est le qadar, selon ton raisonnement à toi. Il va dire, mais non. Je dis, bah, toi aussi, mais non, au début. Donc ça, c'est le talaroum. Les gens qui font ça, c'est ils jouent. Et celui qui joue, bah, tu joues avec lui, avec ce genre de réponse. Et celui qui est aqil, qui a une chebouhette, tu l'enlèves en lui donnant des faits comme celui-ci. Tu donnes l'exemple. Si quelqu'un te dit ceci, réponds-lui cela, après il va dire, c'est vrai. Naam. Adam. Shahid, un abab qadar, un abab azim, lakin wa sirullah, kazalik. Faut pas rentrer dedans. Faut pas rentrer dedans. Tu vois. Apprends les règles. Le fait de rentrer dans le parler sans savoir, c'est une porte d'égarement assurée. Et si tu as des wasawis, comme a dit le hadith Abu Huraira, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un shaitan qui dit il y a un shaitan qui dit il y a un shaitan qui dit il y a un shaitan qui dit qui a écrit cela, qui a écrit cela, tu pars, est-ce que tu dis qui c'est qui a créé Allah? Il dit, man wajda zalika, falestaïza billah, ou yazintahi. Il recherche au fouillou d'Allah et il arrête tout de suite. Ça peut t'arriver, un waswas qui vient. Mais tant que toi, tu parles pas avec, tu n'agis pas en conséquence, khlas, c'est fini. Déjà, il fait hadith kazalik. Abi Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah tajawaza an ummati, ma tuhadithu biha nafsaha, ma lam ta'mal ou tatakallam. Que Allah a pardonné ma communauté, ce qu'elle a comme situation dans sa tête, ou des choses qu'on t'imagine, tant que, on n'agit pas, on ne parle pas. Des fois, tu t'imagines des choses, tu vois, elles viennent dans ta tête. Mais toi, comme on dit, laisse-la, ne les sors pas. Et combat-les si tu peux les combattre. Mais le jour où tu commences à les sortir, à en parler, à y appeler et à agir, c'est là que c'est un problème. Donc, pour revenir à la fin du hadith, on a donné l'exemple des gens qui ont dévié, tout comme on a vu le contraire, des gens qui étaient au bord de l'enfer, comme ils disent, et ils sont convertis, et ils sont rentrés en islam. Comme le Niamouto. Combien de sahaba étaient des gens qui étaient avant cela sur le shirk? Ils sont soumis à l'Azza wa Jal, ils sont morts peu de temps après. Adal Rajoul, il a dit, l'ami salli rakat wahida. Pas une rakat il a fait. Il a vu le Nabi Salim, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a vu des tâmes, il les a jetés, il s'est jeté au combat, il est mort. Au Jannah, directement. Pas une rakat il a fait. Et avant cela, il était quoi? Il était un mouchrik. L'état mouchrik. Il y a déjà fait hadith Abi Huraira, yakulullah, yakul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yadhaku li rajulain. Que Allah rigole. Ah, mais c'est une siftalillah, un Allah, yadhaku. On y croit. Tamam. Il est rajulain, deux hommes. Yaktul ahadum al-akhar. Fahamt? Ou yadhaku lana al-jannah. Qu'il y en a un qui tue l'autre et les deux rentrent au jannah. Il dit, yuqatil hada fi sabilillah. Tamam. Fayuqtal. L'un d'entre eux, il va au jihad, il se fait tuer. Donc il veut juger contre qui? Le kuffar. Donc c'est qui l'a tué? C'est un kafir. Donc lui, le premier, shahid. Il s'est fait tuer par un kafir au combat. Thumma yaqul, fayatubu Allah ala thani, fayuslim, fayustashhad. Le deuxième qui l'a tué, Allah le fait repentir par un islam, il se convertit, il va combattre, il se fait tuer lui aussi. Il est fait quoi avant? Il a tué un musulman. Et au final, il a fini où? Au Jannah. Comment? Avant de mourir, entre en islam. Falihada, لا يحكم على الحي بالجنة والنار حتى يموت. تمام؟ لا يحكم عليه. حتى المؤمن لا تستطيع تقول هذا في الجنة. تقول نرجو. On a vu de lui des علامات الخير في هذه الدنيا. نرجو له هذا. Et d'autres, نعشى عليهم. أما الكافر تقول وفي النار. Donc, هذا الحديث يخوفنا. وهذا يؤيده حديث آخر. On a parlé la dernière fois. Cet homme qui combattait, qui a fini au feu. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. Que l'homme fait des œuvres des gens du paradis en ce qui apparaît aux gens, alors qu'il parmi les gens du feu, et le contraire. Donc je disais, il ne faut pas non plus commencer après à psychoter et à se mettre des wasawis, à dire j'ai fait, je vais finir au feu. Après tu finis dans le rouleau ou dans le IS, tu te mets à désespérer. Tu dis là, toi tu as fait ce que tu avais à faire. Inch'Allah, tu étais mukhlis, tu profites bien d'Allah Azza wa Jal. Faut garder husna dhon billah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais tu vois que tu as fait du mal et que tu as peur, c'est une alamat de khayr. Tu as toujours, on a dit, c'est un signal d'alerte pour te dire attention. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te rattrapes. Tu vois? Ce genre de hadith, c'est pour faire peur, pour dire quoi? Que tant que tu es vivant, c'est pas fini. Tu ne sais pas. Donc, normalement, le zaki, l'intelligent, c'est pas il abandonne, c'est au contraire, il en fait encore plus. Il dit, j'espère être parmi ces gens-là. D'accord, il fait du bien, et il fait tout pour être une personne le plus sincère possible. Mais celui, tu vois, dans ce hadith-là, qui est concerné par ça, qui fait des œuvres de bien, qui a fini dans le mal, c'est qu'il avait un truc dans son cœur, déjà à la base. Il y avait une dassi, ça, comme on dit. Une graine que Allah, il savait. Comme Iblis. Iblis, c'était avec les malaïka. C'était pas un malak. Il était avec eux. Un rang élevé. Et Allah savait ce qu'il y avait en lui. Il a été prouvé par quoi? Par Adam. Il n'a pas voulu se prosterner. Résultat, Akada. Et Allah, il a voulu montrer ça aux anges pour dire, il n'y a la moum à la terre la moum. Je sais ce que vous ne savez pas. Il a remontré c'est qui Iblis. Non. Iblis, c'était un autre. Donc, tout ça, ces choses-là, s'il y a une cause, il y a une raison. Quelqu'un que tu vois qui était sur le khay, qui a dévié, c'est qu'il y avait un khalil, fil ghali, fil khalasi. Tu vois. Et d'autres, qui étaient sur l'égarement, et je les ai vus rentrer, c'est que déjà dans leur égarement, ils avaient un khalil en eux. Un peu tôt, la feuille d'Akshir, il a donné il n'y a pas longtemps, par rapport à Ibn Abbas, qu'il a dit à propos des Sahara de Fil'aoun. Sahara de Fil'aoun. Le matin, c'est les Sahara, et le soir, des Shuhada. Il a dit pourquoi? Car lorsque Moussa est venu pour l'affrontement avec eux, ils sont bien comportés avec lui. Hein? Ils ont été, on va dire, courtois avec lui. Ils n'ont pas été hautains, impertinents. Ils ont dit, si tu veux être le premier à lancer, lance. Alors que Fil'aoun, lui, il a insulté, il a été injuste, il a malmené. Ils ont dit, ben, tu vois des gens, par exemple, quand tu vois qu'ils font du khayl, dans l'égarement, dans le kouf, tu espères, tu lui dis, celui-là, inshallah, narjoullahu al khayl fi ma ba'd. Tasbir ma'ahu, tansahu, wa kaza. Hatta qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, khaylukum fil jahiliyati, khaylukum fil islam, zefakuhum. Que ceux qui étaient les meilleurs dans la jahiliya, avant l'islam, seront les meilleurs en islam, s'ils apprennent. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà du bien en eux, ces gens-là. Même si nous, on ne voyait pas. Regarde Omar ibn Khattab, qui était parmi les gens qui faisaient le plus peur aux musulmans. Ils avaient peur de lui, Omar. Et Nabi Sam, il a dit là, il a dit que Allah s'est uriza d'ad-din, il a fait un dua soit par Omar, ou soit par Abu Jahl, l'un des deux. Et c'était des gens qui avaient un grand rang chez Quraysh. Et Allah, il a choisi qui? Omar. Omar est devenu le deuxième meilleur homme du monde, après l'Anbiya, après Abu Bakr Siddiq. Cet homme qui terrorisait tout le monde avant. Tout le monde avait peur de lui. Et bien cette terreur qu'il mettait dans le cœur des gens de bien avant l'islam, elle a été mise dans le cœur des qui? De ses ennemis par la suite. Khalid ibn Walid, qui était un chef de guerre. Saifullah Azawajal. Avant, c'était lui qui a fait... Il a tué beaucoup de muslimines avant sa conversion à Uhud. C'est lui qui a fait le tour de la montagne pour pouvoir, quand il a vu que les archers, ils ont désobéi, il a vu la brèche tout de suite. Il a fait le tour, il a tué des muslimines à ce moment-là. C'est un homme de guerre. Après, Allah a fait quoi? Il rentre en islam, il a tué les mouchtakins. À tel point qu'il a combattu les Roms, ils étaient 300 000 et ils étaient 3 000. Il est sorti avec avec ses troupes au milieu de 200 ou 300 000 adversaires. Jusqu'à aujourd'hui, les gens disent que les gens se demandent comment il a fait. Alors, les historiens qui connaissent son histoire, ils disent comment il a fait. Et cette histoire, elle est vraie. Enfin, les plus grands exemples, on l'a chez les Sahaba. De ces gens qui étaient avant qui n'étaient pas sur l'islam, qui au final sont devenus les meilleurs des gens. La meilleure des gens. Certains, parmi eux, c'était toute leur vie. C'est-à-dire, ils sont convertis, ils ont vécu longtemps après. Et d'autres, ça a été un instant avant de mourir. Wa kaza. Amma man kana min kurbi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala amal al-jannah thumma sara min al-nar. Ça, c'est des munafiqoun. C'est des munafiqoun, cela. Naam. Fa hada alladhi akhadhna al-yumna al-hadith. Et le qadar, il y a plein de choses à dire dedans. Al-miyan, on n'a pas rentré dans tout ce qui est secte. Et taqasim de la machia, tout ça, on n'a pas dit. Ça, c'est dans notre durus, inshallah ta'ala. Tamam. Fanaka bi hadha al-qadr al-yawm wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.